lèvres s'approchent. La nuit se trempe. Chaque souffle, chaque seconde, tout. Est-ce qu'il murmure son nom obsède? La foule frissonne, l'envie la possède. Tes mots caressent, brûlant et lent. Chaque silence pèse. Chaque geste est aimant. Writer's qui le charme s'est susodomi. La foule soupire, prisonnière de la ligne. Ton souffle me guide. Je ferme les yeux. Chaque vibration m'emporte aux cieux. Chaque souffle gravé, chaque cri existe.